إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 32 dans la série des durus d'Al-Mulakhas al-Fiqhi et aujourd'hui on va continuer l'explication des règles de Salatul Eidain, les prières de les règles en ce qui concerne les deux prières de Eid. Hein. Donc le Cheikh on était arrivé à l'endroit où on expliquait que il n'y a pas un nombre spécifique de takbirat. C'est-à-dire, on a mentionné que on faisait 7 la première fois, la première raka'a et 5 dans la deuxième raka'a. Puis après, il a mentionné les paroles de l'imam Ahmed qui dit que les sahaba ont divergé en ce qui concerne le nombre de takbir. Et il dit que tout est permis. Ensuite, il dit, وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَ. On lève nos mains après chaque takbir, avec chaque takbir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains à chaque takbir. Et ça, il mentionne comme référence un hadith qui est rapporté selon Ibn Umar dans Al-Bayhaqi. Après, il dit, wa yusannu an yaqula bayna kulli takbiratayn Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala muhammadin an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira liqawli Uqba ibn Amir sa'altu ibn Mas'udin amma yaquluhu ba'da takbirat al-Eid qala yahmadullah wa yuthanni alayhi wa yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi c'est rapporté par Al-Bayhaqi. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que c'est sunna de dire entre chaque deux takbir, il mentionne un truc ici. Toutefois j'ai des doutes sur l'authenticité de cet exemple, de cette explication là, mais bon, juste pour vous dire qu'est-ce que ça explique. Ça dit que entre chaque deux takbir, comme c'est quand les gens disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Après, il y en a qui disent Allahu Akbar, Kabira, Walhamdulillahi kathira, Wa subhanallahi bukratan wa asila, Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que ça c'est basé sur la parole de Uqba ibn Amir lorsqu'il a demandé à Abdullah ibn Mas'ud au sujet de qu'est-ce qu'on dit après les takbirat de la prière de Al-Aïd, et il a dit on glorifie Allah et on louange Allah subhanahu wa ta'ala et on le glorifie et on envoie le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est, comme j'ai dit, c'est rapporté par Al-Bayhaqi et c'est selon Abdullah ibn Mas'ud, c'est-à-dire c'est les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud, donc c'est pas un hadith en fait, d'accord. Ensuite, il dit « وَقَالَ حُذَيْفَةَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ » Supposément que Hudhayfah ibn al-Yaman aurait dit que Abu Abd al-Rahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, il a dit vrai. Après, il dit « وَإِنْ أَتَ بِذِكْرٍ غَيْرَ هَذَا فَلَا بَاسَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ مُعَيَّنٌ » Il dit « Puis s'il donne un autre zikr que celui-là, il dit « Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas un zikr spécifique. » Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit « وَقَالَ Ibn al-Qayyim كَانَ يَسْكُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَكْتَةً يَسِيرَةً وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ ذِكْرٌ مُعَيِّنٌ بَيْنَ التَكْبِيرَاتِ » Donc, ici, il dit l'imam Ibn al-Qayyim que entre chaque deux takbirs, il y avait un petit silence. On n'a pas mémorisé aucun dhikr particulier entre chaque takbir ou entre les takbirs. Après il dit wa in shakka fi adad al takbirat bana ala al yaqin. Il dit si il a un doute au sujet du nombre de takbir qu'il a fait dans la prière, il se base sur le nombre au sujet duquel il a une certitude, et c'est toujours le plus petit nombre. Après il dit wa in nasa at-takbir az-za'id hatta shara'a fi al-qira'a saqata li'annahu sunnatun fata mahalluha. Cheikh il dit que s'il a oublié de rajouter un takbir et qu'il a commencé déjà à réciter le Coran dans la prière, alors dans ce cas-là, ça tombe, dans le sens que tu retournes pas pour faire une autre takbir, parce que c'est une sunna, puis étant donné que, tu l'as manqué, ou bien t'as oublié de la faire, dans ce cas-là, ça y est, c'est fini, tu retournes pas en arrière. Après, il dit, وَكَذَا إِنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد أو أدركه راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. الشيخ il dit que si la personne qui arrive en retard à la prière de Eid, elle a manqué par exemple les takbirs au début, et qu'elle rentre dans la prière et que l'imam est dans le recours ou bien dans la lecture du Coran, il rentre et puis il suit l'imam et puis il laisse tomber, c'est-à-dire il pense pas à rattraper les takbirs qu'il a manqué. Et s'il arrive, lorsque l'imam est en train de faire le recours, il fait son recours et puis il commence par takbiratul ihram, Allahu akbar, puis après il fait son recours et il ne pense pas au takbir, il essaie pas de refaire les takbirs qu'il a pas fait. Wa salatul eid rak'atan yajharu al-imam fihima bil qira'ati li qawl ibn Umar kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yajharu bil qira'a fil eidain wa fil istisqa rawahu ad-Dharqutni. Cheikh il dit que dans la prière de Eid, c'est deux raka'a, et que l'imam dans la prière il récite à haute voix. C'est basé sur la parole de Abdullah ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait à haute voix dans les deux Eid et dans la prière pour la demande de la pluie, al-istisqa. Et ça c'est rapporté selon Ad-Dharqutni. C'est rapporté par l'imam Ad-Dharqutni. Après, Cheikh il dit وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ وَنَقَلَهُ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ وَاسْتَمَرَّ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ. Le Cheikh il dit que les ulama sont tous d'accord à ce sujet-là. Et ils se sont rapportés ça des prédécesseurs de génération en génération. Et ça a continué comme ça chez les musulmans jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça ce qu'il faut faire. On récite à haute voix et non pas à voix basse. Après, il dit وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْغَاشِيَةِ لِقَوْلِ سَمُرَةَ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait dans la première rak'a le verset سبح اسم ربك الأعلى, puis dans la deuxième rak'a il récitait الغاشية, et c'est basé sur le hadith de Samura que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les deux Eid, ces deux sourates là. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmad. أخرجه بلفظ كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. نعم. Donc l'imam Ahmad il a rapporté ce hadith. C'est le hadith 20093. Et dans ce hadith-là, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait dans le Jumu'ah avec Sabbih isma rabbika al-a'la. Donc ça c'est le hadith tel qu'il est dans par l'imam Ahmed. Donc on voit que ça parle de al-Jumu'ah et non pas de al-Aïd. Mais toutefois il y a d'autres hadiths. Il y a ce même hadith qui est rapporté selon Abu Dawood ou An-Nasa'i, et l'imam Ahmad il a rapporté un autre hadith aussi selon An-Nu'man ibn Bashir, et dans ce hadith là ça dit wa qara'a fil aidain, ça mentionne les deux Eid, et également selon Abdullah ibn Abbas rapporté par l'imam Ahmed aussi, et Ibn Majah aussi. Puis après il y a un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim qui peut nous épargner de mentionner, mais dans le sens que le fait que ce soit apporté par l'imam Muslim, le hadith est plus authentique et plus fort, et dans ce hadith là il y a la preuve claire à ce sujet là et ça dit c'est un hadith selon An-Nu'man ibn Bashir, et ça dit كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. Donc ça vient clarifier la question, puis ça vient montrer clairement que ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet là qu'il mentionnait, qu'il récitait parfois ces deux sourates là. Toutefois c'est pas une obligation, on peut lire autre que ces deux versets là. Ensuite il donne comme exemple de ça, justement il dit أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية باقتربت لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة. Donc ça c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم il récitait également parfois dans la première rak'at la sourate Qaf, et dans la deuxième rak'at il récitait la sourate Al-Qamar اقتربت الساعة وانشق القمر. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il mentionne les paroles de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, et il dit « قال Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah « مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات ولكن إن قرأ قاف واقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء ومن آمن بهم وصدقهم وما لهم من النجاة والعافية. انتهى كلامه. Donc au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait par les deux versets Qaf et Iqtarabat al-Sa'a, ça c'est rapporté dans un hadith selon Abi Waqid al-Layfi, c'est rapporté par l'imam Muslim, par Abu Daoud, par At-Tirmidhi et par An-Nasa'i et Ibn Majah. Donc maintenant en ce qui concerne la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit peu importe ce qu'il récite, c'est permis, comme c'est permis de le faire, de réciter n'importe quelle sourate dans les autres prières également. Mais si la personne récite Qaf et Iqtarabat al-Sa'a, ou bien qu'est-ce qui a été rapporté dans les hadiths, alors ça c'est bon de faire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa récitation dans les grands rassemblements, il récitait des sourates qui réunissaient des points importants du tawhid et du commandement, de l'ordre et de l'interdiction, du commencement de la création ainsi que de la fin de la création, également des histoires des prophètes, comment ils étaient avec leur peuple, comment Allah subhanahu wa ta'ala a traité ceux qui ont traité les prophètes de menteurs et qui ont démenti la révélation et qui ont mécru en les messagers, et qu'est-ce qui leur est arrivé de châtiment et de comment ils ont été disons punis par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ont eu le malheur, et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont cru aux messagers d'Allah et qui ont approuvé et reconnu la véracité de leurs paroles et de leurs messages, et qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence ou bien comme récompense du fait qu'ils ont été sauvés et qu'ils ont eu la vie sauve et qu'ils ont été récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un résumé, une petite explication intéressante de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui nous montre qu'est-ce qui est bon de réciter durant les prières où il y a des grands rassemblements. Ensuite le Cheikh il dit فَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا لِمَا رَوَى عُبَيْدِ اللَّهِ ابن عبيد الله ابن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي. نعم. ولابن ماجه عن جابر خطب قائما ثم قعد قاعدة ثم قام. وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته الحديث. ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. نعم. دونك Cheikh il dit maintenant au sujet de la description de la khutba de l'Aïd, il dit que lorsque l'imam a fait le taslim, c'est-à-dire pas le taslim, mais oui c'est ça, lorsqu'il a fait le taslim, il a terminé la prière, il se lève pour faire une khutba. Et là il dit le Cheikh que l'imam fait deux khutbas et que entre les deux khutbas il s'assoit quelques temps, un petit moment. Il s'assoit comme dans le Jumu'ah, yani quand l'imam s'assoit quelques secondes, puis il se relève. Et il dit que la preuve de ça, c'est ce qui est rapporté selon Ubaydillah ibn Utba. Il dit que la sunna, c'est que l'imam, lorsqu'il fait la khutba des deux Eid, il fait deux khutbas. Et il les sépare par un court moment où il s'assoit. Ça c'est rapporté selon Al-Shafi'i. C'est rapporté selon Al-Shafi'i par l'imam Al-Bayhaqi. Et après il dit que l'Ibn Majah, il a rapporté selon Jabir que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le khutbah, il était debout, puis il s'assoyait un court moment, puis il se relevait. Et ensuite, ça c'est rapporté selon Ibn Majah et également selon Abu Dawud wa Nasa'i, et à la base c'est rapporté dans Sahih Muslim. Et à la base, il dit que il y a quelque chose de pareil à ce sens-là selon Ibn Omar, et il dit que c'est muttafaqun alayh. Toutefois, il semblerait que dans le hadith qui est dans Muslim, dans le Bukhari, serait plus spécifique à la prière du vendredi. Donc, Allahu a'lam yani. Toutefois, il mentionne par la suite, il dit que dans le Sahih, dans le Sahih Muslim, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait par la salat avant la khutbah, puis il se levait en s'appuyant sur Bilal, puis il commandait les gens à craindre, il commandait aux gens de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et il les incitait à l'obéir. Ça, c'est le hadith rapporté selon Bilal dans Sahih Muslim. Et ensuite, il y a une autre partie du hadith aussi qui est rapportée par, selon Muslim encore une fois, qui dit, puis il se tournait vers les femmes, vers l'endroit où il y a... Ça, c'est dans un autre hadith en fait, c'est pas celui-là qu'il a mentionné, mais c'est rapporté dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, il se dirigeait vers les femmes, puis là, il les incitait à craindre Allah, puis etc. Donc... il s'adressait aux femmes en particulier. Mais là, c'est pas ce hadith-là qui est mentionné ici. Il dit qu'il se tournait un peu, puis il faisait face aux gens, et les gens étaient assis en rang. Donc les gens sont assis en rang, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tourné, et il faisait face à eux. Après avoir fait la prière, il se met en face des gens, puis il leur fait face et il commence à faire la khutbah, et les gens sont assis, eux, en rang. Ça, c'est rapporté selon Muslim. Toutefois, en ce qui concerne la khutbah, j'aimerais juste mentionner un point, c'est que il y a une différence d'opinion en ce qui concerne la prière de Eid. Est-ce que l'imam fait deux khutbah, est-ce qu'il s'assoit entre les deux, ou bien est-ce qu'il fait juste une seule khutbah? Puis d'après ce que j'avais lu dernièrement lorsque c'était la Eid, j'avais vérifié là-dessus, puis il semblerait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait uniquement une seule khutbah de Jumu'ah, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers les femmes, ou il s'est dirigé vers les femmes pour les adresser en particulier, il y en a qui se sont basés là-dessus pour dire que c'était deux khutbah. Toutefois, c'est pas clair que c'est effectivement deux khutbah. Puis en ce qui concerne les hadiths que le cheikh a mentionné, il semblerait que ça s'adresse en particulier à la prière de Jumu'ah et non pas à l'Aïd. Wallahu a'lam. Et puis l'autre hadith qui est rapporté selon Al-Bayhaqi, eh bien il faut vérifier l'authenticité à ce sujet-là pour être certain. Donc il y a ça. Puis ensuite le cheikh il dit وَيَحُثُّهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ عَلَى إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَحْكَامَهَا من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها ويرغبهم في خطبة العيد الأضحى في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. Donc le cheikh il dit que l'imam, lorsqu'il fait la khutbah de Eid, si c'est Eid al-Fitr, il les encourage à faire sortir la zakat al-Fitr, et il leur clarifie les règles de la zakat al-Fitr, et la quantité qu'il doit, que les gens doivent donner, etc. Et quand est-ce qu'ils doivent le donner, et la catégorie d'aliments ou de choses qu'ils doivent faire sortir. Et il les incite dans la prière de l'Aïd, dans la khutbah de l'Aïd al-Adha, à faire le sacrifice. Et il les encourage également à comprendre et à connaître les règles du sacrifice. Et également, le cheikh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait dans khutbah al-Adha beaucoup des règles en ce qui concerne le sacrifice de l'animal, soit du mouton ou autre. Ensuite, il dit وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات وفيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والوعظ والتذكير ولا سيما في المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة فإنه ينبغي أن تضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. Donc le cheikh il dit que également il faut que le khatib se concentre dans les khutbas. Il faut qu'il se concentre sur les occasions pareilles, yani profiter de ces occasions-là, et pour clarifier, yani dans ces occasions-là, parce que les gens sont tous réunis, sont tous ensemble, et c'est pas tout le temps que on a l'opportunité de réunir tout le monde. Donc, lorsque les gens sont réunis, de clarifier aux gens ce qu'ils ont besoin de connaître dans chaque occasion, selon l'occasion et selon le moment. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de connaître, après les avoir incités à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de les avoir exhortés et de les rappeler, en particulier dans les endroits ou les moments où les gens sont tous réunis pour des occasions nobles. Et le cheikh il dit qu'il faut que la khutbah contienne des éléments qui vont en fait faire en sorte que les gens vont bénéficier d'un bien de qu'est-ce qu'ils entendent, et que ce sera pour eux un rappel, surtout pour la personne qui est un peu dans l'indifférence et dans l'inconscience. Et bien celui-là, ça va le rappeler, et ça va également éduquer la personne qui est ignorante, et ça va lui donner de la connaissance. Ensuite, le cheikh dit وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن ووعظهن وحثهن على الصدقة. Donc le cheikh il dit que c'est également nécessaire pour l'imam de, lorsque c'est la prière de l'Aïd, de donner, il dit que premièrement il faut que les femmes soient présentes à la prière de l'Aïd, comme on l'a déjà expliqué. Ensuite, il faut se diriger, ou bien disons diriger une exhortation particulière pour les femmes dans la prière de l'Aïd. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas fait entendre les femmes, il s'est dirigé vers elles et puis il les a exhortées, il les a incitées à donner en charité. Et ça c'est rapporté selon Abdullah ibn Abbas dans Al-Bukhari Muslim, donc c'est authentique. Ensuite le cheikh il dit وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَى نَصِيبٌ مِنْ مَوْضُوعِ الْخُطْبَةِ مِنْ مَوْضُوعِ خُطْبَةُ الْعِيدِ لحاجتهن إلى ذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il dit de même que il faut que les enfants, de même il faut que les femmes aient une portion du sujet de la khutbah de Eid, c'est-à-dire il faut qu'on s'adresse à elles par des sujets qui les concernent. Pourquoi? Parce qu'elles en ont besoin, bien entendu, et parce que ça c'est également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait en sorte que les femmes avaient une partie du rappel, yani pour elles-mêmes. Et ensuite, le cheikh il dit « وَمِنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ الْعِيدِ أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّنَفُّلْ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فِي مَوْضِعِهَا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُصَلَّى لِقَوْلِ ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها متفق عليه ولأن لا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها الشيخ الذي parmi les règles de la salat de Eid c'est que c'est détesté que quelqu'un fasse des prières volontaires avant ou après à l'endroit où on fait la prière de Eid jusqu'à ce qu'il se soit éloigné de la musalla, c'est-à-dire de l'endroit où on prie. Il dit, à cause de la parole de Abdullah ibn Abbas, que, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le jour de l'Eid deux rakats, puis il n'a pas prié avant ni après. C'est-à-dire, il n'a pas fait deux rakats avant ou après. Ensuite, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cheikh il dit, pour pas que les gens s'imaginent ou aient l'impression qu'il y a une sunna fixe ou qu'il y a une sunna qui a été spécifiquement attribuée à cette prière-là, c'est-à-dire à la prière de Eid. Ensuite, il dit donc qu'il n'y a pas de prière spécifique avant ou après. قال الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. Cheikh l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit que les gens de Médine, ils n'ont pas de prière volontaire à faire. Ils ne font pas aucune prière volontaire ni avant ni après. وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. Donc ici maintenant le cheikh il mentionne un autre des imams parmi les imams des salaf, l'imam al-Zuhri, qui dit que je n'ai jamais entendu personne parmi les ulama mentionner que quelqu'un parmi les salaf de cette umma faisait une prière avant ou après l'Eid. Et Abdullah ibn Mas'ud, de même que Hudayfa ibn al-Yaman, ils interdisaient aux gens de faire une prière avant ou après. Et puis, yani, donc on voit, mashallah, dans cette citation-là, que l'imam al-Zuhri, lui-même qui fait partie des salaf, eh ben, il se référait aux sahaba et aux tabi'in, ceux qui étaient avant lui, par le terme salaf, hein, ce qui montre que c'est pas un terme qui était étranger aux salaf eux-mêmes, ils l'utilisaient eux aussi. Et ça, c'est mentionné dans la musnad de Abdul Razak As-San'ani, qui était un des shuyukh de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hein? C'est ça, c'est un des grands ulama du Yémen à l'époque, qui était un des shuyukh parmi les shuyukh de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il s'appelle Abdul Razak As-San'ani. Ensuite, le cheikh dit فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. الشيخ dit que si la personne retourne chez elle après la prière, il n'y a pas de problème si elle veut faire deux rak'at. Puis il dit que ça a été rapporté selon l'imam Ahmad et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il retournait chez lui après l'Aïd, il faisait deux rakats. Et ça, le cheikh il dit que c'est rapporté selon Abi Saïd al-Khudri par Ibn Majah et par l'imam Ahmad également et par Ibn Khuzayma. Ibn Khuzayma, un autre parmi les imams des salafs. On l'appelait aussi Cheikh al-Islam. Je pense qu'il est mort en 333. Allahu a'lam. Hein? Donc on voit ici encore une fois certaines explications à ce sujet-là. Ensuite, il dit wa yusannu liman fatathu as-salah salatul Eid aw fatahu ba'daha qada'uha 'ala sifatiha bi an yusalliha rak'atayn bi takbiratiha az-zawa'id لأن القضاء يحكى الأداء أو يحكي الأداء ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا فاته ركعة مع الإمام أضاف إليها الأخرى. الشيخ يزي كسي كتشوز كي دان السنة سي سنة دو. Pour la personne de, yani lorsque c'est la prière de l'Aïd, pour la personne qui a manqué la prière en entier ou bien qui a manqué une partie de la prière, lorsqu'il l'a pris deux rakat, il l'a fait tel quel, comme si il l'a fait comme l'imam l'a fait. Hein? C'est-à-dire il fait les takbirat, toutes les takbirs et tout comme s'il la faisait avec l'imam. Et le cheikh il dit que s'il a manqué une seule raka, eh bien il rajoute à cette raka là celle qui lui manque, yani c'est ça. Après il dit wa in jaa wal imam yakhutub jalasa listima' al khutbah fa idha intahat sallaha qada'an wa la ba'sa an yaqdiha munfaridan aw jama'atan. Cheikh il dit que si l'imam, si la personne arrive en retard alors que l'imam est en train de faire la khutbah, il s'assoit et il écoute la khutbah. Et lorsque la prière est terminée, la khutbah est terminée, il fait deux rakat pour remplacer celle qu'il a manquée de la prière de Eid. Et le cheikh il dit il n'y a pas de problème de la refaire, soit toute seule ou soit en groupe. D'accord. Après, il dit, Cheikh, il mentionne, il dit, ويسن في العيدين التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ويرفع صوته إلا الأنثى فلا تجهر به فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة. لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. Cheikh il dit que également ça fait partie de la sunnah de faire les takbir, yani c'est-à-dire pas nécessairement dans le takbir dans la prière. Maintenant le cheikh il parle du takbir en général, c'est-à-dire en dehors de la prière et en tout moment. OK? Parce que yani c'est une sunnah lorsque c'est l'Aïd, de faire le takbir, ok, Allahu Akbar, et de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit que ça c'est pas limité par un temps, et c'est-à-dire il n'y a pas une limite de temps spécifique pour. Ben, c'est pas que c'est, non c'est pas ça, c'est plus que il n'y a pas il dit le cheikh qu'il n'y a pas un temps qui est limité pour faire ça. Après il dit la personne elle le fait à haute voix. Excepté les femmes, elles ne le font pas à haute voix, mais après il dit que on fait le takbir pendant les deux nuits du Eid. On fait kulli ashri zil hijja, yani également dans les dix du Dhul Hijja. Et il mentionne le verset 185 dans Sourate al-Baqara qui mentionne ça, qui dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Ça veut dire 85 pour, ouais c'est ça, pour, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Donc ça c'est le verset qu'il a mentionné. Et puis il dit par la suite يجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. Donc le cheikh il dit que c'est permis de faire le takbir à haute voix dans les marchés et à la mosquée et à dans tous les endroits où c'est permis de faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut le faire à haute voix en sortant de la musalla ou en sortant, c'est-à-dire en sortant pour aller vers la musalla, c'est-à-dire pour aller vers l'endroit où on va faire la prière de l'Aïd. Et le cheikh il dit que ça c'est rapporté selon Ad-Daraqutni, par Daraqutni, selon Ibn Omar, et également par l'imam Al-Hakim. Il dit dans ce hadith que lorsque c'est le lendemain d'Eid al-Fitr ou d'Eid al-Adha, il fait le takbir jusqu'à ce qu'il arrive dans l'endroit où il prie, c'est-à-dire le jour de l'Eid, quand il se lève le matin, quand il sort de chez lui, il commence à faire le takbir sur le chemin. Ça c'est une sunna, beaucoup de gens ont abandonné, hein, de nos jours quand les gens s'en vont à la prière là sur le chemin, on les entend pas faire le takbir. Hein. On les entend faire le takbir juste dans la mosquée. Ça c'est quelque chose qui est contraire à la sunna. Et c'est dommage que les gens aient abandonné ça. Ensuite, le cheikh il dit que la personne doit faire le takbir jusqu'à ce que l'imam arrive. Ça c'est, comme j'ai dit, rapporté par Ad-Daraqutni. Après, il dit wa fi sahih kunna nu'maru bi ikhraj al-huyad fa yukabbirna bi takbirihim wa li muslim wa yukabbirna. Oui, donc c'est rapporté dans le sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Atiya, si je me trompe pas, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'on était commandé de faire sortir les femmes qui avaient leurs règles, et il dit qu'elles faisaient le takbir avec leur takbir, c'est-à-dire elles faisaient le takbir en même temps que les gens faisaient le takbir, et ça c'est une preuve que le takbir est ordonné et commandé le jour de l'Aïd. Ça c'est rapporté par Muslim. Et ensuite il mentionne un autre hadith, celui-là qui est rapporté par Ad-Daraqutni et Al-Hakim ici, qui dit que les gens font le takbir, et le cheikh il dit فهو مستحب لما فيه من إظهار شرائع الإسلام. Donc il dit le cheikh que ça c'est quelque chose qui est recommandé parce que ça fait partie des grands ça fait partie du fait d'exprimer, de montrer les grands rites de l'islam. Ensuite le cheikh il dit que والتكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فهو في هذا العيد آكد لأن الله أمر به. الشيخ الزي التكبير dans العيد après le رمضان عيد الفطر, il dit que ça c'est encore plus certain à cause du verset de 185 dans Surat al-Baqarah, comme on a dit, parce que vous avez complété les jours, et pour que vous mentionnez la grandeur, vous célébrez la grandeur de votre Seigneur et du fait qu'il vous a guidé, yani. Pour le fait qu'il vous a guidé à l'islam, etc. Donc ça c'est dans ce verset là et le cheikh il dit que ça c'est donc plus certain encore et plus confirmé pour la prière de Eid al-Fitr, parce que Allah l'a commandé dans ce verset là directement. Ensuite le cheikh il dit ويزيد عيد الأضحى مشروعية بمشروعية التكبير المقيد فيه فهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة فيلتفت الإمام إلى المأموم ثم يكبر ويكبرون لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غدا أو من غدات عرفة يقول الله أكبر الحديث. Donc le cheikh il dit que quand c'est Eid al-Adha, ويزيد عيد الأضحى بمشروع. OK. Parmi les deux prières d'Aïd, la prière d'Aïd al-Adha, elle a quelque chose de plus que la c'est-à-dire dans la fête ou l'Aïd al-Adha, il y a quelque chose de plus que dans l'Aïd al-Fitr, et c'est que il y a dans Aïd al-Adha le fait qu'après les prières, hein, on doit faire des takbir après chaque prière en groupe à la mosquée. Donc, l'imam se tourne, puis il fait le takbir, puis les gens font leur takbir également. Ça, c'est rapporté selon Ad-Darqutni et Ibn Majah. Et bien sûr, il ne faut pas que le takbir soit fait en même temps, en groupe. Mais chaque personne fait son takbir à haute voix. D'accord? Des fois, on dirait que, parfois, il y a des fois, on dirait des gens qui sont gênés de le faire. Cette fois, c'est sunnah, il ne faut pas se gêner, yani, après la prière, quand c'est fini, jusqu'au 13 de Dhul-Hijjah, jusqu'à la prière après l'Asr, du 13e jour de Dhul-Hijjah, on fait les takbirs. Après ça, on cesse. À partir de le matin de l'Aïd, on fait le takbir, puis jusqu'au 13. Après, le cheikh il dit donc que les gens doivent faire le takbir après la prière, comme on a dit, et il mentionne également le hadith de Jabir, qui est rapporté par Ad-Darqutni et Al-Hakim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la salat de subh, le lendemain de Arafah, il commençait à dire Allahu Akbar. Donc ça veut dire que selon ce hadith, Allahu A'lam, il commence après le subh. Il dit wa yabtadi'u at-takbir al-muqayyad bi-adbar as-salawat fi haqq ghayr al-muhrim min salat al-fajr yawm Arafah ila asr akhir ayyam at-tashriq. Amma al-muhrim fayabtadi'u yabtadi'u at-takbir al-muqayyad في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. Donc le cheikh il dit que pour quand est-ce qu'on commence à faire le takbir qui est après les prières, le cheikh il dit que pour la personne qui est pas dans le hajj, qui est pas muhrim, il commence après la prière de Fajr, comme on a dit tout à l'heure, après le jour de Arafah. Il dit après la prière de Fajr, le jour de Arafah, jusqu'à Al-Asr, après le dernier des jours de Tashriq, c'est-à-dire le 13e jour après Al-Asr. Il continue jusqu'à après Al-Asr, après il cesse. Il dit Amma al-Muhrim, fayabtadi'u al-Takbir. في حقه المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى أوكي. Et pour la personne qui est dans le Hajj, ok, le muhrim, celui-là il commence à faire ses takbirs après les prières, mais il commence pour lui c'est après le dhuhr, le jour de sacrifice, hein, c'est-à-dire le jour de sacrifice jusqu'à le dernier jour de Tashriq. Le jour de Yom al-Naha, c'est le jour où on va égorger jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le 13e jour. Et avant ça, il est occupé à faire le talbiya, c'est-à-dire à dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala sharika lak labbaik. Après le cheikh il dit wa rawa ad-Dharqutni an Jabir kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yukabbir fi salati al-fajr yawm Arafah ila salati al-'asr min akhir ayyam at-tashriq hatta yusallim min al-maktubat. Donc il dit que Ad-Dharqutni l'a rapporté selon Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir à la prière de Fajr le jour de Arafah jusqu'à Al-Asr du dernier jour de Tashriq et il faisait Hina yusallim min al-maktubat, après avoir fait le taslim, après avoir dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, dans les prières obligatoires en groupe à la mosquée. Après il dit wa fi lafdin kana idha salla min as-subh aw salla as-subh min ghadat Arafah yuqbilu ala ashabihi fayaqulu alayya makanakum فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Donc il dit que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait la prière de subh le lendemain de Arafah, il se tournait vers ses compagnons et il disait restez à vos places, et là il commençait à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Ok, et ça c'est également rapporté par Ad-Dharqutni selon Jabir. Ensuite il dit Wa qala Allahu ta'ala Wa zkuru Allah fi ay. Oui c'est ça. وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وقال الإمام النووي وهو الراجح وعليه العمل في الأمصار. شيخ الزي كالله سبحانه وتعالى أزي rappelez-vous ou souvenez-vous d'Allah سبحانه وتعالى durant des jours durant un nombre de jours يعني compté, et ces jours-là c'est les jours de تشريق, c'est-à-dire les jours de Tashriq, c'est les trois jours après Arafah. Arafah, oui c'est ça. Après le Cheikh dit l'imam al-Nawawi a dit ça, c'est la position la plus correcte, et c'est là-dessus que c'est sur cette opinion-là que les gens basent leurs actions dans les villes. Après le Cheikh dit وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة لما في السنن يوم عرفة يوم النحر يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. Donc le cheikh il dit que l'imam Ibn Taymiyyah a dit que la position la plus correcte en ce qui concerne le takbir qu'on fait après les prières, selon le jumhur, selon la majorité des ulama et des fuqaha parmi les salafs, et ainsi que les imams parmi les sahaba et les imams, le cheikh il dit que la sunna pour eux c'est à ce sujet-là de faire le takbir après le jour de Fajr de Arafah, après la prière de Fajr le jour de Arafah jusqu'à les jours de Tashriq, le dernier jour de Tashriq après chaque prière. Et il dit que ça c'est rapporté dans le Sunan Abu Dawood, At-Tirmidhi et Muslim également dans une autre narration, Imam Muslim. Ça dit que le jour de Arafah est le jour de l'égorgement. Ayyamun Mina, pardon. Et les jours de et les jours de Mina, les jours où tu restes à Mina après, Arafat, c'est notre fête pour les gens de l'islam. Et il dit que ce sont des jours dans lesquels on doit manger, boire et se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh dit, wa kawn al-muhrim yabtadi al-takbir al-muqayyad من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة. شيخ التي سكون انت وي اوكي وكون المحرم وي le fait que le muhrim lui il commence de faire le takbir après les prières de Dhuhr, le jour de sacrifice, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il cesse de faire les talbiya, après qu'il ait fini de lancer les jamarat et tout. Et au moment où il lance les jamarat, ووقت رمي الجمرة العقبة المسنون دوحة يوم النحر. Il dit le moment qui est sunna pour aller lancer les jamarat al aqaba, c'est à la période de Duha, avant la prière de Dhuhr, le jour du sacrifice. Donc le كان المحرم فيه كالمحل. Donc le muhrim, il dit que à ce moment-là, il est comme celui qui a enlevé son ihram. Donc si il lançait les jamarat avant le fajr, il ne doit pas commencer à faire le takbir, excepté après la prière de Zohr également. Et quand il fait ça, c'est pour faire selon la majorité. Ou bien qu'est-ce qui est plus souvent fait. Ça, c'est ce que j'ai compris de la citation. Et ça, c'est dans Majmu' Fatawa, le volume 20, page 364. Non. Donc, pour le muhrim, c'est après le dhuhr qu'il commence à faire les takbir. Contrairement à celui qui n'est pas en ihram, celui qui n'est pas dans le hajj, lui, il commence après le fajr, le jour de, comme on a dit tout à l'heure, le jour du fajr, le jour de Arafat. Après, il dit وصفة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Et comment on fait le takbir après les prières, après le jour de Arafat, c'est que on dit الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Et il dit qu'il n'y a pas de problème de qu'on se souhaite, disons qu'on se félicite et qu'on se souhaite entre nous des vœux les uns les autres, et qu'on dise taqabbalallah minna wa minkum par exemple. Il dit qu'il n'y a pas de problème de dire ça, qu'Allah accepte de nous et de vous. Et le cheikh il dit وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد روى عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه أئمة الأئمة كأحمد وغيره. Donc le cheikh il mentionne des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qui dit que il y a un groupe parmi les sahaba, c'est rapporté à leur sujet qu'ils le disaient, c'est-à-dire qu'ils disaient taqabbalallahu minna wa minkum ou bien minna wa mink, et il dit que les imams comme l'imam Ahmad et d'autres ont permis de faire ça. Il dit wal maqsoud min at-tahni'a at-tawaddud wa idhar as-surur. Dit le but de se dire ça entre nous comme taqabbalallahu minna wa minkum, c'est de montrer qu'on a de l'affection entre nous, puis qu'on a de la joie et qu'on est heureux. Après le cheikh dit wa qala l'imam Ahmad la abtadi'u bihi fa in ibtada'ani ahadun ajabtu. Imam Ahmad il dit moi je commencerai pas, je vais pas le dire à quelqu'un en premier, mais si quelqu'un me le dit, eh ben je vais lui répondre. C'est-à-dire lui l'imam Ahmad il le faisait pas en premier, mais il disait que si quelqu'un lui disait, il allait lui répondre. C'est comme en voulant dire que yani, c'est pas nécessairement une sunna et il n'y a pas vraiment de preuve de faire ça. Donc yani, il l'a permis. Toutefois yani, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement recommandé de faire. Donc c'est ça. Après il dit وَذَلِكَ لِأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ أَمَّا الْإِبْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا وَلَا هُوَ أَيْضًا مِمَّنْ نُهِيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ فِي التَّهْنِئَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Le cheikh il dit pourquoi l'imam Ahmad il dit que si qu'il ne va pas le dire en premier, mais si on lui souhaite cette chose-là, il va répondre. Il dit parce que cette réponse-là, ce n'est pas obligatoire de le faire. Mais il dit que la réponse au salut, c'est obligatoire, mais de le commencer, ce n'est pas obligatoire. Et il dit que ce n'est pas une sunna qui a été commandée de le faire. Donc, et ce n'est pas non plus interdit. Donc, il n'y a pas de problème de le faire et de donner la main également dans At-Tahniya. En ce qui concerne les accolades, les gens ils font toujours l'accolade. Ça, c'est quand les gens reviennent de voyage habituellement qu'on fait l'accolade. Toutefois, pour Al-Eid, les gens le font, mais c'est pas rapporté, yani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ça. Plutôt, comme le cheikh il dit ici, il n'y a pas de problème de se donner la main en se disant Taqabbalallah minna wa minkum. Donc, des fois, bon, tout le monde se donne la collade. Il y en a qui sont plus durs, là, ils veulent pas, ils s'éloignent, puis ils donnent juste la main. Wallahu a'lam, il faut voir aussi l'état des gens, puis leur situation. Yani, si on voit que les gens connaissent pas la sunna et tout, il faut bien leur expliquer puis tout ça. Donc ça c'est des exemples en ce qui concerne les règles de la prière de l'Aïd, Aïd al-Adha et Aïd al-Fitr. C'est ça qu'on a expliqué aujourd'hui et qu'on a expliqué hier également. Donc j'espère que ça a été quand même assez clair, que j'ai pas trop embrouillé les gens avec mes explications. Des fois si j'ai de la difficulté là. Bon, mais il y a ça, puis aussi la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer le chapitre qui parle de la prière de Al-Kusuf, c'est-à-dire les prières lorsqu'il y a une éclipse de lune ou de soleil, etc. Donc, on va expliquer ça la semaine prochaine, bi'ibnillah. On va s'arrêter ici aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.